Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi. Première partie, chapitre second, personnages de l'Ancien Testament qui ont figuré Marie. Premier paragraphe, Ève. La première femme selon l'ordre des temps, est précisément la première figure que l'Écriture sainte nous offre de la femme qui précède toutes les autres en dignité. Ève est la première femme qui est figurée Marie. Comment, dira-t-on, Ève a-t-elle pu figurer Marie? Ève, la malheureuse Ève qui fut l'occasion de tant de désastres. Il en est ainsi cependant, et parmi les saints pères et les interprètes de l'Écriture, il en est peu, je crois, qui ne parlent de cette figure. J'ai déjà averti qu'il n'est pas requis que les figures s'accordent en tout avec leur objet. D'ailleurs, il faut observer qu'Ève a figuré Marie de deux manières, et par ressemblance, et par opposition. Sous certains rapports, elle ressemble à Marie. Sous d'autres, elle lui est diamétralement opposée. Considérons ces différents rapports. D'abord, Ève s'accorde avec Marie en tant qu'elle fut créée pour être la compagne du premier homme, et procurer avec lui la propagation naturelle du genre humain. Voilà que Dieu a créé l'homme, mais réfléchissant, pour ainsi dire, sur l'ouvrage qu'il vient de produire, il n'est pas bon, se dit-il, que l'homme soit seul, donnons-lui une compagne semblable à lui. Genèse 3, 8. C'est ainsi que Dieu en a agi envers Jésus-Christ, qu'il avait établi le réparateur du genre humain, donnons-lui, a-t-il dit, une compagne semblable à lui, dans le grand ouvrage de la régénération, non pas, entendez-le bien, que Marie ait aidé Jésus-Christ à satisfaire à la justice divine, comme si les satisfactions de l'homme Dieu n'eussent pas été à elle seule plus que suffisantes, ce n'est pas là ce que nous voulons dire, mais elle nous aide à participer aux fruits de la passion de son divin Fils, en répandant sur nous les mérites du sang précieux puisé dans ses veines, de ce sang divin dont elle a été constituée, comme l'assure Saint Bonaventure, la dépositaire et la dispensatrice. Ève est créée, et sa formation présente aux yeux de celui qui la contemple avec attention un amas de prodiges. N'allez pas croire que la création de Marie eut lieu sans des prodiges de grâce. Elle a été conçue d'une femme stérile, comme l'enseigne de savants docteurs, d'après la tradition. Comme Ève, elle a été créée, et c'est ce qui importe le plus, ornée de la grâce sanctifiante et exempte de toute ombre de péché. Nous devons traiter ce point dans un autre endroit, mais cependant j'aime à vous faire remarquer en passant que cet argument pour prouver l'Immaculée Conception de Marie, à mon avis, n'est pas à mépriser, car en effet, il serait fort inconvenant que la figure fût supérieure en cela à son objet, qui est infiniment plus noble, c'est-à-dire qu'Ève eût été ici plus privilégiée que Marie, qu'à Marie eût été refusé ce qui a été accordé à Ève, ou que Marie, la mère de la grâce, eût été privée un seul instant de la grâce, dont la mère des pécheurs ne fut pas exempte dans sa formation. Ceci soit dit en passant. Le nom même d'Ève préfigurait Marie. Ce nom a la signification du mot vie ou mère des vivants, et il est étonnant, dit saint Épiphane, qu'un tel nom ait été donné à Ève, même après la ruine dont elle avait été la cause fatale. Elle aurait dû s'appeler mère des mourants, plutôt que mère des vivants, puisqu'elle ne pouvait engendrer que des personnes mortes à la grâce, et destinées à la mort éternelle de la peine. Mais n'en soyons pas surpris, la figure a retenu son nom en considération de l'objet figuré, Ève a retenu le nom de vie en considération de Marie, qui est notre vie et notre douceur, Salve Regina, comme le chante l'Église et comme le répètent si souvent les fidèles. Voyons maintenant les rapports d'opposition qui existent entre Ave Marie. Un homme et une femme, dit Saint Bernard, nous ont causé un bien grand dommage, sermon 1, dimanche sous l'octave de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, ils ont fait un mal immense à leur malheureuse postérité. Mais Dieu soit loué, par le moyen d'un homme et aussi d'une femme, tout est réparé, et même avec usure. Puisque le don a surpassé incomparablement le délit. Par le moyen d'une femme, dit encore saint Augustin, traité du catéchisme, la mort s'est introduite dans le genre humain, et par le moyen d'une femme, la vie y est rentrée. F causa notre perte, Marie, notre salut. Celle-là se laissa séduire, elle ajouta foi aux paroles du serpent, celle-ci, en demeurant vierge, nous enfanta un sauveur. Celle-là reçut du tentateur la coupe empoisonnée, et non contente d'en goûter elle-même, la présenta à l'homme, de sorte que tous deux méritèrent la mort, celle-ci, au contraire, en écoutant la parole de Dieu, reçut en elle la grâce. Elle conçut dans son sein le Verbe divin, et mit au monde le salut du genre humain. Si l'univers, dit Saint Bernard, fut plongé dans la douleur au sujet d'Ève, qu'il se réjouisse en considérant Marie, que la terre dépose ses insignes de deuil, pour revêtir ses ornements les plus brillants. Nous avons retrouvé dans Marie ce qu'Ève nous avait fait perdre, que dis-je, nous avons retrouvé incomparablement davantage. Ah, s'il est permis de parler ainsi, je m'écrierai, ô heureuse faute, qui avait été si avantageusement réparée, au péché nécessaire au monde, pour que le monde reçût un si bel ornement. Où êtes-vous, Adam? Êtes-vous encore caché dans les broussailles, par honte de votre nudité? Paraissez enfin et déposez la confusion qui vous couvre, paraissez revêtu d'allégresse et de joie. Réjouissez-vous, Adam, m'étressaillez de joie, vous surtout, Ève notre mère, vous avez été, il est vrai, les premiers parents du genre humain tout entier, mais vous en avez été aussi les meurtriers, et, ce qui est plus déplorable, vous avez donné la mort à votre postérité, avant de lui donner la vie. Consolez-vous aujourd'hui au sujet de votre fille, d'une fille telle que Marie. Plus qu'Adam, Ève doit se réjouir à cause d'elle, Ève, par qui le mal a commencé, et qui transmit son opprobre aux autres femmes. Voici le moment où la tâche sera effacée, l'homme n'aura plus rien à reprocher à la femme, lui qui, pour tenter de s'excuser, ne craignit point de charger cruellement sa compagne, en disant « La femme que vous m'avez donnée m'a présenté du fruit défendu et j'en ai mangé. » Genèse 3, 12. Courez donc, ô Ève, courez à Marie. Que la mère se réfugie près de sa fille, la fille répondra pour sa mère, elle effacera son opprobre. Elle saura plaider auprès du père la cause de sa mère, car si l'homme est tombé par la femme, ce n'est aussi que par la femme qu'il se relève. Que disiez-vous, Adam? La femme que vous m'avez donnée, Seigneur, m'a présenté des fruits, et j'en ai mangé. Voilà les paroles de malice par lesquelles, au lieu de diminuer votre faute, vous l'augmentez. Néanmoins, la sagesse de Dieu a triomphé de votre malice. Dieu, en vous interrogeant, cherchait l'occasion de vous pardonner, mais ce qu'il ne put trouver en vous, il l'a trouvé dans les trésors inépuisables de sa bonté. Une femme est substituée à une autre femme. La femme prudente, à l'insensée, la femme humble, à la superbe, celle-ci, au lieu du fruit de mort, vous apporte le fruit de vie. Au lieu d'un fruit plein d'amertume, elle vous présente ce fruit d'éternelle douceur. Changez donc vos coupables excuses en paroles d'action de grâce. Seigneur, la femme que vous m'avez donnée m'a présenté le fruit de vie, et j'en ai mangé. Ce fruit a été pour moi plus doux que le miel, par lui vous m'avez rendu la vie. Ô Vierge auguste, ô Vierge digne de tout honneur, ô femme singulièrement vénérable, femme admirable par-dessus toutes les femmes, vous avez été la réparatrice de nos premiers parents, la vivificatrice de tous leurs enfants. Saint Bernard, homélie de supermissus est. Qui ne serait pénétré d'admiration pour Marie, qui ne la comblerait de louanges, qui pourrait se dispenser de rendre des actions de grâce à cette auguste femme, par qui nous avons été rendus à la vie, nous avons reconquis nos droits au titre d'enfant de Dieu, et d'héritier de son royaume, à cette femme dont le pied virginal et immaculé a écrasé la tête du serpent infernal qui séduisit Ève et causa notre ruine. Assoyons à jamais reconnaissance envers Dieu, soyons-le envers Jésus-Christ, le nouvel Adam, mais soyons-le aussi éternellement envers la nouvelle Ève. La meilleure preuve de notre gratitude sera notre fidélité à profiter du bienfait reçu. C'est ce que veut Jésus-Christ par-dessus tout, c'est ce que veut aussi Marie. À quoi servirait sans cela l'œuvre de la rédemption? Elle servirait à rendre notre damnation plus terrible. Oh, alors Marie cesserait d'être pour nous cette mère de grâce et de bénédiction. Profitons donc, mangeons du fruit que Marie nous présente. Après avoir goûté le fruit qui nous a été offert par Ève, nous avons porté d'abord l'image de l'homme terrestre, portons maintenant celle de l'homme céleste. Dépouillons-nous du vieil homme, et revêtons-nous de l'homme nouveau, revêtons-nous de Jésus-Christ, notre Seigneur, de son esprit, de ses vertus. Ma mère, c'est vous qui nous avez apprêté la robe tant désirée, voyez notre nudité. Supporterez-vous de nous voir plus longtemps dans cet état? Non, non, vous voulez que vos serviteurs soient revêtus d'un double vêtement, des vertus de Jésus et des vôtres, de ses exemples et des vôtres. Nous voulons aussi nous en revêtir, mais nous sommes encore faibles, daignez, comme une tendre nourrice, nous aider à porter des vêtements si précieux. Songez à nous garder ensuite de la rapacité de celui qui voudrait nous les ravir. Un jour nous paraîtrons avec eux au grand et magnifique triomphe des élus, pour chanter éternellement à la gloire de votre Fils et à la vôtre, des cantiques de louange, de bénédiction et d'action de grâce. Markemdanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.